طيب ما زلنا في أصول الستة في الأصل الثاني وهو الاجتماع على الحق وعدم التفرق في الدين. Donc on est toujours dans le deuxième fondement des six fondements de l'islam de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ce deuxième fondement est celui qui consiste à dire que il est obligatoire que les musulmans, les muslimines, se regroupent sur la vérité et soient unis. Et il leur est formellement interdit de se diviser. Naam. Donc on avait vu que l'une des grandes causes de la division des musulmans, ce sont Mada et Rayan. La jalousie. Naam. La jalousie ou Mada. La jalousie ou le hasad ou Mada. Allah a'lam, ahsan. Ou Mada, Riyad. L'injustice. Naam. Al-Baghi. Naam. طيب ensuite on avait pris une parole jamil de l'imam Ibn al-Qayyim dans un bref résumé, c'était une parole qui visait à expliquer que l'une des choses qui était le plus pénible au prophète alayhi salatu wassalam, c'était de voir ses compagnons se diviser ou se diverger sur les paroles d'Allah ou sur les paroles de son prophète alayhi salatu wassalam. Et on a vu aussi que la plupart des khulafa rachidoun la siyama Amar, ils ont été très vigilants sur le fait de ne pas laisser cette communauté se diviser. Non. Donc on est arrivé à dire فالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق أصل عظيم من أصول أهل السنة وخلاف هذا الأصل ابتداع وضلال ولا يكاد مبتدعا ولا يكاد مبتدع إلا وهو يخالف هذا الأصل. نعم. Donc le fait d'être uni dans la religion et de ne pas se diviser est une des bases, parmi les bases des partisans de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et le fait de contredire cette base est un égarement et une innovation. Et il se peut que tu ne trouves pas un innovateur sans qu'il ne contredise ce fondement. نعم وخلاف هذا الأصل من أعظم علامات الحزبية. Et le fait de contredire ce fondement fait partie des signes les plus descriptifs de ce qu'on appelle الحزبية. والحزبية ما هو؟ Comment tu traduirais الحزبية؟ Le sectarisme. نعم le sectarisme. C'est formellement interdit en islam. طيب تنبيه الأمر بالاجتماع لا يكون إلا على الحق. Et lorsqu'on dit que, on avait vu je crois ça, hein? Et lorsqu'on dit que on doit, les musulmans doivent s'unir, cette union là, elle ne doit être que dans la vérité. الاجتماع على دين الله. Que cette union soit sur la religion d'Allah عز وجل. et non pas dans des innovations ou dans des ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Et entraidez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit, entraidez-vous dans le bien et la piété et ne vous entraidez pas dans la turpitude et la transgression. طيب وأما قول بعض أهل الأهواء نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Et en ce qui concerne la parole de certaines personnes égarées, qui vise à dire que on s'entraide dans les choses sur lesquelles on est d'accord et on se pardonne sur les choses dans lesquelles on n'est pas d'accord. Man qala hadha ya Abba Suleyman? Si, il a dit cette parole-là. On s'entraide sur les choses avec lesquelles on est d'accord, on se dit. Ah. Allahu a'lam. وأخونا رئيس البلدية رئيس البلدية يسمى ب en français c'est le maire. هل ممكن تعطينا الخبر؟ le maire. Hein? C'est qui a dit cette parole là? الله أعلم. أحسنت أحسنت يا أخي الكريم. Riyad, man gal? Nasit, hein? Yanis? Allah alam. Yunus? Je sais pas si c'est ça, mais c'est pas Alibana. Alibana? Mani Saïd, t'es pas loin. Alibana. T'es pas loin, mais c'est... Hassan al-Banna. Eh oui, Hassan al-Banna. Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, il fait partie, ou c'est le principal fondateur de la secte qu'on appelle les frères musulmans. Non. Wa huwa jadd dhaka al-da'i alladhi ishtuhira akhiran. Et lui, comme certains d'entre vous le savent, c'est le grand-père du prédicateur qui est actuellement malheureusement connu pour des affaires judiciaires. Eh, naam, huwa jaddu. Naam. وفي الحقيقة يا إخوة لا ينبغي لأهل السنة أن ينشغلون بما يحصل لبعض الضائعين. Et en vérité, les gens de la sunna, les gens qui s'accrochent à la religion, il ne faut pas qu'ils se retrouvent préoccupés ou occupé par les affaires d'autrui, de gens que aslan wa faslan laissou à la sunna, les gens ne sont pas sur la sunna. Fa qad sami'na kathiran min al-ikhwa annahum yas'aluna 'an hal hadha ad-da'iya fi min dhalik. والناس فيه بين إفراط وتفريط. Et les gens, quand ils au sujet de ce prédicateur, certains sont dans l'exagération, comme on a entendu de certaines personnes dire ce qui lui arrive c'est bien fait pour lui, voilà, ou chez Mindal. Et d'autres, ils sont dans la négligence. Ils disent non, c'est pas possible que ça lui arrive à Allah. Il fait partie des des pieux, des gens là, la hada ou la hada. Le sunna, les gens de la sunna, ils doivent pas être dans l'exagération ni dans la négligence. Wasat. Hein? On est dans le juste milieu. Fama fa'alahu irtakaba baynahu wa bayna Allah. Les péchés qu'il a pu faire, c'est entre lui et son Seigneur. Et nous, lorsqu'on sait que أغلب ما يفرح بهذا الحال هم أعداء الإسلام لا نفرح إذا. Et nous, lorsqu'on sait que la plupart de ceux qui se réjouissent de cette affaire-là sont les gens de l'islam, les ennemis de l'islam, alors nous, ça doit pas nous réjouir. Ça doit pas nous réjouir. وإن كان ضالا من ضلال. Même si cette personne-là, on le voit comme une personne qui s'est égarée et qui a égaré bon nombre de gens. Lakin, al-haq wa inshallah al-haq naqul al-insaf matlub. Le fait d'être juste et pas d'exagérer. La hada wa la hada. Thumma ba'dan ya ikhwa. Wallahi anna mithla hadhi al-qisas ibra li kulli ahad. Hein, ce genre d'histoire, ça doit être une leçon pour tout un chacun d'entre nous. يا لا تقول للناس أشياء وأنت تخالفها جهرا أو سرا. Hein? Ne va pas prétendre des choses que toi-même, yani tu contredis, que ce soit en public ou en secret. فإن الله إذا أراد أن يفضحك سيفضحك وأنت في جرح ضب. الله s'il veut te dévoiler, il va te dévoiler même si tu es dans le plus profond des trous de reptile. نعم. فالتقوى والورع أمر واجب. أمر واجب لمن يدعي يعني الدعوة إلى الله. Donc les gens qui appellent à Allah عز وجل, ça leur est impératif de faire preuve de crainte d'Allah عز وجل et de wara. وانظروا يا إخوة كيف السنة هي نجاة العبد. Comment la sunna, c'est un secours pour la personne. Et comment l'ibtida', c'est un dalal. La sunna harramat al-ikhtilat. La sunna est venue pour interdire la mixité. Et est-ce que c'est la mixité dans sa globalité ou une partie de la mixité? Ah, Mohamed. La sunna, elle interdit la mixité globalement ou une partie de la mixité? Une partie. Dans le sens où, par exemple, moi, si je suis le mahram d'une femme, bah, il peut y avoir un autre homme. C'est une mixité, mais autorisée. Aïwa, lillahi darrok. L'ikhtilat al-muharrama, هي التي فيها فساد, هي التي تسبب الفتنة. C'est celle qui enjoint ou qui appelle à une tentation. La mixité interdite, c'est celle qui appelle à une tentation. Mais c'est pas toute la mixité, par exemple. Dans les bus, en général, surtout dans les pays arabes, les femmes derrière, les hommes devant. Voilà, baisse. Il n'y a pas de problème fi hadi sur. Comme a dit notre frère Mohamed, si le mahram il est là, wa huwa fi el bas, il est avec son épouse ou la personne sous sa tutelle. Et il y a d'autres hommes dans le bus. C'est une mixité ou c'est pas une mixité? Naam, la kama ya mahram. Mais elle n'est pas interdite. La mixité haram qui est interdite, c'est celle qui s'abbe le fitna. Mathalan, un jeune avec un jeune dans un même espace. Hadi mutabarrija. Celle-là, elle est presque, on va dire, pas dévoilée, mais Et les mutabar et jafir, comment on traduirait? C'est fort, c'est fort. Voilà, dévoilé, dé, voilà. Mal habillé, voilà. Dévêtu. Dévêtu. Ça, c'est des mixités que le prophète, la sunna, interdit. Naam. Le fait de. Le prophète, il dit Alhamul Maut. Araït Alhamu. Qal Alhamul Maut. Tout ça, ça préserve. C'est une siyana. Et haoula, les chouans, les musulmans, j'a'alou hadi nusus min wara al-dahrihim. Wa amalou bi'ukulihim. Et les frères musulmans, ils ont mis ce genre de texte derrière leur dos. Et tu les vois qu'ils appellent à l'irtilat, tu les vois qu'ils appellent à, par exemple, serrer la main des femmes, ma fille mushkila. Tu les vois même que chez eux, le fait de se retrouver seul à seul avec une femme, laissa honak mahdor. Ya akhi ma anta atqa min Abi Bakr, wala min Umar, wala min haoula salaf. Wa ma'a dhalika, haoula kanu ya khafouna Allah, wa ya khafouna al-wuku' fi mithli hadi. Donc la personne elle n'est pas plus pieuse que Abu Bakr et que Omar, et pourtant ces deux compagnons là qui sont les meilleurs compagnons, les meilleurs hommes après les prophètes, ils craignaient de se retrouver dans ce genre de situation, c'est à dire seul à seul avec une femme. Le prophète Zazel me dit ma taraktu fitnatan ashaddu ala rijal min an-nisa anta tu'min bi kalam rasulillah. فإذا تؤمن بكلام رسول الله لابد أن تأخذ حذرك. عليكم السلام. بعدين. فماذا؟ La personne qui croit au hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, le prophète عليه الصلاة dit: je n'ai pas laissé après moi une fitna plus dure pour les hommes que les femmes. وإذا بالإخوان المسلمين نعم نعم لا بس ما عندنا إشكال انظر ما في إشكال إشكال واضح الناس ربما كان في شيء من التقوى وشيء في من ومن حين إلى آخر يتلخبط في بين النصوص وإذا به يقع في أشياء تهمة أقل شيء تهمة نعم ومع ذلك نعم نعم إيه نعم ويه ويه. نعم بيان سير ومع ذلك إن تاب تاب الله عليه وما من أحد معصوم يا إخوة ما من أحد معصوم من الوقوع في المعاصي يا بيرسون يا إخوة كي بريزيرفي دو تومبي دون دي معاصي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما يعني ما من قلب إلا وهو بين أسبوعين من أصابع رب العالمين. Il y a pas un cœur sans qu'il se trouve entre les deux doigts du Seigneur des mondes, Seigneur de l'univers. إن شاء أن يقيمه أقام. إن شاء أن يقيمه أقام. Si Allah, il veut mettre ce cœur là dans la droiture, il le met dans la droiture. وإن شاء أن يزيغه أزاغ. Si Allah, il veut égarer ce cœur là, Allah il égare. Et c'est-à-dire, il les garde. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Et le prophète sallam il répétait: oh Seigneur, toi qui détournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. دي الله سبحانه وتعالى يدي au sujet du prophète, si on t'avait pas raffermi. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle de son prophète. Si on t'avait pas raffermi, t'allais certes pencher vers eux, vers les kuffar, mushrikin. فما من أحد معصوم ما من أحد معصوم ولا يؤتى العبد إلا من قبل ذنبه. Et la personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vient pas à lui le châtie, ظلمًا وعدوانًا. فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم على نفسه الظلم. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste envers son serviteur. Il ne vient pas avec lui, il ne vient pas à lui avec ce genre de choses, si ce n'est que le serviteur lui-même a commis des péchés. نعم. فنتق الله فعلينا أن نتقي الله عز وجل فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ولا ننشغل بأمور الناس. والله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم، هو في الشأن بينه وبين الله، إن فعل شيئا وتاب تاب الله عليه، وإن فعل وإذا ما فعله شيئا الله سبحانه وتعالى لا يبقى المظلوم في حاله إلا أن ينصره. فيعني c'est un conseil, laissez ce genre d'informations et ne vous préoccupez pas plus que cela de ce genre de choses. Et la baisse que la personne elle dit Allah est dit, la personne elle demande la guider de ce prédicateur ou d'autres. Naam, la baisse. Nahnu ummatun marhouma. On est une communauté miséricordieuse. Pas une communauté de mada, de rancuniers, de gens qui veulent le mal pour les gens, non. Abadan. Abadan. Fala nafrah bi suqutihi hakada ou al-kuffar, yani ils se frottent les mains. Wa nahnu ma'hum. La, abadan. Hada muslim. حتى وإن كان سمعت قد سمعت من كفر هذا كلام يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى نظر وبسط. وعندي هو ما زال مسلم، أنا سأل الله أن يهديه، سأل الله أن يهديه. على كل حال donc on revient à notre kitab. طيب donc الاجتماع لا يكون لا يكون إلا على الحق. ثم بعدين يا إخوة اتقوا النساء. والله والله قاسما بالله أن المرأة وإن كانت ضعيفة لكن جعل فيها الله يعني شيء، جعل فيها شيئا يعني إن أراده سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده بها فليفعل، فيفعل. خنيه la ruse des femmes. خنيه la ruse des femmes. Car c'est vraiment une ruse qui est très très forte. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إن كيد الشيطان ضعيفة. كان ضعيفا ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الله سبحانه وتعالى يدي وسجد لا غوز دو شيطان سيرت لا غوز دو شيطان فبل. وماذا يقول في كيد النساء كيسك الله سبحانه وتعالى يدي وسجد لا غوز دو فام ان كيد كن عظيم. الله سبحانه وتعالى الى اتريبيو لا غوز دو فام ايمونس الى غوز دو شيطان ضعيف. Tamam. Enfin, l'insan, s'il voit qu'il est dans une situation où il peut tomber, ou qu'il ne pense pas de son nefs qu'il est Abu Bakr, ou là, Omar, ou là, je t'aime. Et j'en profite au passage pour vraiment conseiller nefsi ou ikhwani, al-hadar min al-jawalat. Faites attention au téléphone, surtout les téléphones qu'on appelle. ماذا انتليجون ولا او سمارت فون. تمام. فكما قال بعض الاخوه الفضلاء وفقهم الله avec le portable tu peux voir des choses محرمه et tu es à côté de ta femme. هذه ما تعرف انت مع الجوال تنظر وهذه تظن ربما أنت في بحث وأنت في شيء ولا وأنت في أشياء حرام. نعم. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ايش الايه في سوره المائده ليعلم الله من يخافه بالغيب بدايه الايه ها لا لا ولنبلونكم بشيء من الصيد تنالوا ايديكم وايديكم ورماحكم هذه ايه عليكم ان تتاملوا الله سبحانه وتعالى دي au sujet des compagnons on va vous éprouver alors que c'est-à-dire les compagnons ils sont en état de sacralité quand tu es en état de sacralité tu as ni le droit de chasser un gibier tu as ni le droit de manger de la viande d'une bête sauvage qui a été tuée tamam parce que tu es en état de sacralité l'état de sacralité c'est avant de faire la hajj ou la umra tayeb donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans, selon une traduction approximative de ce verset il dit nous allons vous éprouver d'un gibier qui va passer à la distance de vos mains. Vous pouvez l'attraper comme ça. Ou à la distance de vos lances. Hein? Chose facile, sahle, jiddan. Après, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Liya'lamillahu man yakhafu bil ghayb. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala distingue lequel d'entre vous le craint dans l'invisible. وبعد الطلاب العلم قاس هذه الآية على الجوالات ونعم القياس الآن يعني منضبط نعم ils ont pris ils ont comparé cette histoire avec l'histoire du gibier avec les téléphones tellement c'est facile de tomber dans le ma'asiyah نعم tellement c'est facile de tomber dans le ma'asiyah Donc ce da'i là, fadahahu Allah, يعني حصل له شيء من كشف الستر. فلا يكون الشخص دندنه في الحرام والأشياء هذه في السر أو العلانية. لا نتقي الله عز وجل في السر وفي العلانية. وبلا شك أن الإنسان غير معصوم قد يصيب قد يخطي قد يذنب قد لكن يتوب ويستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الحسنات اتبع السيئات الحسنات تمحوها حديث عظيم fais suivre ta faute par une bonne action cette bonne action elle va effacer cette faute نعم ولكم كذلك الدعاء العظيمة ربما ليس هناك دعاء Anfa. Pourquoi? Parce que le prophète Sassem, il a dit, il a ordonné ou il a vivement conseillé que cette dua soit faite lors de la nuit du destin. Lorsque Aïcha l'a demandé au prophète Sassem, que dois-je dire si je rencontre la nuit du destin, qui est la meilleure nuit de l'année? Le prophète Sassem, il a dit, Allah qu'oli. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Oh Allah, tu es pardonneur. Tu aimes le pardon? Expie nos fautes. فعندكم المغفرة وعندكم التوبة وعندكم العفو. Donc là, l'expiation, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il a pardonné ta faute, mais il l'a effacée. Il pardonne la faute, mais il l'a effacée en plus. Parce qu'il y a des fautes qu'il va pardonner, mais elles ne seront pas effacées. Yom al-Qiyamah, tu vas venir, ça sera marqué dans ton recueil de bonnes et mauvaises actions. Dans ton recueil de mauvaises actions. Ça sera marqué. Mais si, afa Allahu anka, khalas, si Allah subhanahu wa ta'ala, il a expié ta faute, ça y est, il l'a effacée. Na'am. Et personne n'est ma'asoum. Hassala min al-sahaba al-zina. Sahih wa lala. Certains sahaba, ils sont tombés dans zina. Al-ghamidiyya. Comme la femme qu'on appelle al-ghamidiyya. Hein? Jusqu'à certains compagnons, lorsqu'ils l'ont lapidé, ils étaient en train de l'insulter. Le prophète Zazem, il a dit, ne l'insultez pas, car certes, elle a fait un repentir que s'il devait regrouper 70 personnes parmi vous, il l'aurait regroupé. C'est-à-dire, le repentir de cette personne-là, il était plus fort que 70 personnes parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. L'autre qui buvait de l'alcool. Hein? À chaque fois il buvait, le prophète alayhi salatu wasalam, il ordonnait qu'on le frappe. Hein? Il venait, on le frappait. Il va, il boit, on l'attrape en train de boire, on le frappe. Certains compagnons ont dit Allahumma al'anhu. Ma akthar ma tabah. Oh Seigneur, maudis-le. C'est pas la première fois qu'on vient avec lui dans cet état. طيب, le prophète Azam il a dit la tal'anhu, fa inna Allah yuhibbu. Ne le maudissez pas, car certes Allah et son messager l'aime. نعم. Il ليس هناك احد معصوم من الذنوب فاتقوا الله ما استطعتم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. على كل حال اطلنا في هذا الذكر والله المستعان. طيب تنبيه, donc on est arrivé dans une autre partie, dans un autre tanbih qui est très très important, parce qu'on a parlé de la hizbiyya. On a dit que le fait de se diviser fait partie des signes les plus descriptifs de ce qu'on appelle al-hizbiyya, le sectarisme. Et le sectarisme en islam, c'est interdit. Tambiyun akhar, babit al-hukm bil-ibtida'. Donc ça, c'est encore des masalas qui sont très importantes. Babit al-hukm bil-ibtida'. C'est à quel moment que la personne, on dit qu'elle est sortie de la sunna, qu'elle est devenue innovateur. À quel moment? Tamam? قال l'imam الشاطبي عليه رحمة الله في الاعتصام الفرق أو الفرق إنما تصير فرقا بخلافهم للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزء من الجزئيات. Donc l'imam Shatibi, il t'explique, il te dit que la personne elle sort de la sphère qu'on dit de la sunna, elle sort de la sunna lorsque elle contredit une base parmi les bases de la religion. Lorsqu'elle contredit une base parmi les bases de la religion, cette personne-là, après qu'on lui ait expliqué clairement que ceci n'est pas permis et qu'elle se soit entêtée dans ce chemin, alors là, cette personne-là, elle sort du suivi du prophète alayhi salatu wasalam et de la sunna. Taïb, lorsqu'elle contredit une base parmi les bases du din. Et l'ijtima' huwa asl ou ma huwa asl ya bahint? L'ijtima' ala al-haq. Hal hadha asl min usul al-din am fara? Est-ce que l'union dans la religion sur la vérité, c'est une des bases de la religion, ou bien c'est juste une des branches? Hein? L'union dans l'épreuve? L'union dans fi d-din, yani l'ijtima' ala al-haq, fi l'ijtima' ala l'ijtima' fi d-din. C'est une base. Naam, c'est une base. Donc si vous voyez une personne qui contredit juste ce point-là, si elle s'entête après qu'elle a été conseillée, elle s'entête à contredire ce point-là, alors elle ne fait plus partie des gens de la sunna. Par exemple, ça, c'est pas n'importe qui va dire que cette personne n'a plus partie des gens de la sunna. Ahsant. Wa akhuna Fahmi, il pose une bonne question en disant, dans le sens, qui est celui qui peut dire que la personne elle est sortie de la sunna? C'est qui, qui peut dire que la personne elle est sortie de la sunna? Par exemple, toi tu vois quelqu'un, il contredit ce asl. Il contredit cette base. Et toi, tu le conseilles, tu lui dis ça, c'est une base de la religion. Tu ne peux pas la contredire. Et lui, il dit non, non, non, pour moi, je vois qu'on a le droit d'être, d'avoir du sectarisme. Moi, par exemple, Al-Muhim, toi, tu lui expliques, il ne comprend pas, il s'entête. Est-ce que toi, tu as le droit de dire, bon, écoute, là, toi, tu es sorti de la sunna? Non. Non? Et c'est qui peut dire qu'il est sorti de la sunna? Un savant. Un savant. Ahl al-ilm. C'est plus vaste encore. C'est-à-dire les gens de science. Que ce soit un savant ou un étudiant qui a une maîtrise. Qui a une maîtrise. C'est pas n'importe quel étudiant qui peut venir dire, ouais, Foulan, il est sorti de la sunna ou autre. Cette parole-là, c'est qui l'a dit? Comme quoi, celui-là qui dit ça, bah, il ne fait plus partie de la sunna. Comme Zakarna, c'est une parole de l'imam Shatibi, qui fait partie des imams d'Ahl Sunna, même si lui-même, il a des mukhalafat dans la aqida. Dans la aqida, il a certaines mukhalafat à l'imam Shatibi. Lakin min haith al-jumla, fa huwa min a'immat Ahl Sunna. Et eux, quand ils viennent avec ce genre de règles, c'est pris de adilla, c'est pris de base. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Pour une parole qu'ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que vous vous moquez d'Allah, de ses versets, de son messager? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru. Pour une parole. Mais cette parole-là, elle contredisait une base et un fondement de la religion, qui est le fait de vénérer la religion d'Allah. Le fait de vénérer la religion d'Allah, ça c'est une base. Le fait de vénérer Allah Azza wa Jalla, vénérer son prophète, alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire faire de lui une chose sacrée, l'honorer. Tamam ? Ça c'est des fondements de l'islam. Eux, quand ils sont venus avec cette parole-là, c'est une seule parole, khalas. Ils sont sortis, eux, c'est même plus, ils sont sortis de la sunna, ils sont sortis carrément de la religion. Est-ce que pour dire, comme d'ailleurs, par rapport au fait que celui qui va à l'encontre de l'ishtima, il sort de la sunna, on peut prendre le hadith, il dit que celui qui s'écarte de la jama'a d'une coudée et qui meurt dans cet état-là, il meurt d'une... Maïtatan jahili. Ouais. Naam. Ça, c'est, en tout cas, c'est les adillah que Al-Sunna ils évoquent pour mettre en garde contre le sectarisme. Taïb. Donc, ça c'est une chose. La personne, elle peut sortir de la religion, de la Sunna, si elle contredit une base parmi les bases de la religion. Elle contredit volontairement et après avoir été conseillée. Ou si elle contredit plusieurs points qui ne sont pas qui ne font pas partie des fondements, mais dans de nombreux points est contredit. Par exemple, il va dire que il peut faire le dos avec d'une nabide, avec du jus de date alcoolisé. Lui, il va dire qu'il peut, comme c'est le madhab de Abu Hanifa. Il va dire, oui, je peux faire l'alcool avec ça. Il va te... Dans certaines masaïl fiqhiyah, dans beaucoup de points du fiqh ou quoi, il va venir avec des paroles qui contredisent totalement la voie des pieux prédécesseurs. Alors lui, s'il vient avec énormément de paroles, même si ce n'est pas dans les bases, dans les fondements, lui-même, lui aussi, il peut être amené à sortir de la sunna. Donc par rapport à ces deux choses, la personne, elle peut sortir de la sunna. On a évoqué aussi, on a une parole jamile de Cheikh Al-Fawzan. قال وذكر العلامة الفوزان في الأجوبة المفيدة كتاب النفيس. أجوبة المفيدة, c'est un très très bon livre de questions-réponses. au noble savant Cheikh Al-Fawzan. قال من خالف الفرقة من خالف الفرقة الناجية في مسألة الولاء والبراء أو السمع والطاعة لولاة الأمور يخرج من الفرقة الناجية وإن وافق في باقي مسائل العقيدة. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit celui qui contredit les gens de la Sunna, celui qui contredit les gens de la Sunna sur le l'alliance, sur le point de l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu, ça fait partie des fondements de la religion. Hein? Celui qui contredit les gens de la Sunna sur ce point-là, ma'ala, ou sur le point de d'obéir au gouverneur musulman, qui ça aussi, ça fait partie des points, comme on va le voir, c'est le point d'après, le fondement d'après, ça fait partie des fondements de la religion. Celui qui contredit les gens de la Sunna sur ces points-là, il sort de la Sunna, même si il est en accord avec tous les autres points. Donc ça vous montre quoi? Que les savants, ils ont bien compris que le fait de contredire une base, un fondement, parmi les fondements de la religion, ça fait sortir de la Sunna, et ça peut même faire sortir de l'islam. D'accord. طيب وشيخنا ابن ماذا شيخ سعيد بن دعاس il avait évoqué sur ce sujet-là certaines preuves, et parmi les preuves qu'il avait évoquées, comme on a dit, bon, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Ils ont certes dit la parole de mécréance. Et ils sont devenus mécréants après s'être soumis. Juste avec une parole. Juste avec une parole. Tamam? Ou encore le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-abd la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha wa yuhwa biha fi nari finna 70 kharifa. Comme aussi ce hadith du prophète, il dit, et certes le serviteur peut parler d'une parole qu'il ne prend pas en considération, une parole, il ne la prend pas en considération, et le voilà précipité dans le feu de l'enfer pendant 70 ans. Non. Donc ça montre bien, parce que certaines personnes ils vont dire, ouais, mais il a une faute là-dedans, mais regarde, dans tous les autres points de la religion, il est là. Non, ça ne suffit pas, Akhi. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, tu te dois de lui obéir. وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et là, certes la parole des croyants, des véritables croyants, lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager, pour lorsqu'ils sont appelés vers Allah et son messager, pour que ceux-ci tranchent dans leur divergence, leur parole n'est autre que de dire on a entendu et on a obéi. Ça c'est la parole des croyants, on a entendu, on a obéi. Tout ce qui te vient d'Allah Azzawajal, tu sais que ça fait partie des fondements ou des branches, t'obéis. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Na'am. Ala kulli hal, il a évoqué aussi d'autres adillah sur ce point. نعم. طيب. كذلك ce qui est bon de voir aussi, c'est تعريف الحزبية. C'est quoi la حزبية? Qu'est-ce qu'on appelle حزبية? تعريف الحزبية. للحزب معان. للحزب معان عديدة. أو ذكرها الإمام الطبري في تفسيره. منها الناصر والفريق والجند والأتباع والأصحاب ومنها الولي وغير ذلك. Donc ce qu'on appelle la définition linguistique du hizb, hizbiya ou hizbi, c'est ce qu'on pourrait dire un soldat, un suiveur, un partisan, un compagnon. Tamam. Ça, c'est l'oratène. Amma stilahan, amma en ce qui concerne la législation, Hizbi, c'est quoi? Kullu man ta'assaba li shi'ateh wa ta'ifateh wa firqateh fayuwafiqahum fi a'mal fi al-a'mal wal aw al-ahwa aw al-afkar dhidd al-haqq. Donc un Hizbi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'entête à suivre son groupe ou ses compagnons ou les gens qui l'entourent, soit dans les œuvres, soit dans les pensées, ou soit dans les passions. Tout ça tout en étant en contradiction avec la vérité. Et quel est le jugement que porte l'islam sur ce qu'on appelle Al-Hizbiyya? Al-Hizbiyya haram ou halal, ya Abdallah? Al-Hizbiyya haram ou la halal? Haram. Ahsan. Al-Hizbiyya haram. Donc, le jugement que porte l'islam sur le sectarisme, c'est tahrim, c'est que c'est interdit. Non. Et c'est pourquoi il faut être vigilant. Parce que des fois, on peut rentrer dans un sectarisme sans même s'en rendre compte. Ana, mathalan, min balad al-fulaniya. Ma uridan ujalis ghair ashab baladi. Moi, je suis d'un tel pays, je ne veux pas m'asseoir avec quiconque autre que les gens de mon pays. Hada ghalat. Hada ghalat. Ça, c'est pas des bonnes choses. Ça peut amener justement à tomber dans le sectarisme. Sauf si toutefois il y a un besoin. Par exemple, lorsque à Dammaj, il devait distribuer les bourses. Il devait distribuer les bourses pour les élèves. Il répartissait cela en fonction des pays. Tamam, en fonction des pays, voilà, Fulan, c'est toi qui vas t'occuper de tel et tel, de donner ou de répartir l'argent entre les gens de France ou entre les gens de. Ça, à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin. Mais s'il n'y a pas de besoin, maintenant tu vas faire un groupe, les Maliens, ou El Jazeerin, ou Mala Sénégalien, ou Mala. القموريين ولا ما أدري إيش هذا ما في داعي كلنا على الإسلام كلنا إخوة ما في داعي وربما هذا يسبب أشياء تفضل الوقت لكن لا بس ما طيب قال بعض علامات الحزبية donc on va citer vite fait quelques signes distinctifs du sectarisme. Al-Hizbiyya. Le premier signe, et c'est le plus évident, celui-là, il se voit مثل رؤية القمر في ليلة البدر. Ça, c'est le signe que tu vas voir sur n'importe quel Hizbi d'une manière claire. Comme si tu voyais la lune dans une nuit claire. وهو العصبية والولاء والبراء الضيق. C'est le fait qui te fait une alliance et un désaveu resserré. L'alliance et le désaveu resserré, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné que tu fasses l'alliance avec tous les croyants. Lui, il va dire non, moi je ne fais pas l'alliance avec tous les croyants. Haoula, non, je ne m'associe pas avec eux, je ne fais pas l'alliance. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ordonné de s'allier à tous les croyants. Et lui, non. Il se désavoue. Tamam. Et وَكَذَلِكَ فِي الْبَرَى. Il va se désavouer de personnes qu'il n'a pas le droit de se désavouer. Juste pour rester avec son groupe ou ses ashab. Donc ça, c'est le signe le plus important. Et il y a d'autres signes, comme le fait de le taqlid, le suivi aveugle qu'ils ont pour certains savants. Le suivi aveugle, ya ikhwa, ma yajouz illa inda darura. Le suivi aveugle, c'est pas permis pour quiconque de suivre un savant tel qu'il soit. Peu importe son degré, c'est pas permis de le suivre d'une manière aveugle, sauf en cas d'extrême nécessité. Quelqu'un, il n'a pas beaucoup de science et il ne sait pas quoi faire pour atteindre les savants ou pour avoir la réponse à sa question. Lui, s'il entend la parole d'un savant qui lui parle même sans lui évoquer la moindre preuve, il lui dit, bon, hada halal, falabas. Ça lui est permis de suivre aveuglément ce savant, si toutefois ce savant est digne de confiance. Mais ça, c'est que lors de Ad-Darura. Inch'Allah, s'il y a des questions, après le...